Herriotsak, Bidasoaldeko herri mugimenduaren saioak egunero Antxete Irratian arratsaldeko ordubietatik hiruak arte eta gabeko zortzietatik bederatziak arte. Pausu Mediak ekoiztutako saioak. Arratsaldeon eta ongi etorriak Herriotsakera, ongi etorriak gure kunkara. Ongi etorriak beraz gure kunkara, adiskidetuak eta zimad elkarteek egiten duten saioa. Gaurkoan aldiz, gure kolaboratzailea, Zaga, ezin izan da etorri, kanpoan dago lanean, eta egongo da hilabete honetan zehar, beraz, baneri tokatzen zait saio hau zuzentzea. Eta hainbat kontu prestatu dizkizuet beraz gaurko saioan, urrengo orduan, hemen Antxeta Irratian, gure kunka saioan. Alde batetik, Les Amoureux au Bain Public elkarteari buruzko erreportaia entzungo dugu. Audrey Hawk, elkarte honen nondik norakoak azaltzen dizkigu. Esan beharra dago, elkarte hau bikote mistoak defendatzen dituen elkartea dela, zimadekin erlazio handia duela, eta bueno, azalduko dizkigu pixka bat zeintzuk edo zein den bikote misto hauen egoera. Bikote mistoetaz hitz egiten dugunean, atzerritarra eta bertakoa osaturik dauden bikoteaz mintzatzen ari gara. Eta beste alde batetik, Info RC irratiaren reportai bat berreskuratuko dugu, Too Must, Entre Gitar e Kalashnikov. Eta ohikoan basaio hau frantsesez izaten da, beraz gaurkoan ere entzungo ditugun erreportaiak frantsesez izango dira, nik euskeraz mintzatzen dudan arren. Les Amoureux au Bain Public eta Too Must, Entre Gitar e Kalashnikov beraz entzungo ditugu gaurko saioan, hemen Antxeta Irratian 90.5 eta 89.7 FM-en. Antxeta Irratia .com. Dena den, erreportai hauek entzuten hasi baino lehen, musika pikin bat. Eta horkoan saio honetan, Emir Kusturica eta Goran Bregovicen musikak izango ditugu. Oraingoan, Tzigan abestiarekin uzten zaituztet. Yeah. Quand j'étais petite, on m'avait dit que lorsque je trouverais le prince charmant, je me marierais et j'aurais beaucoup d'enfants. Ce qu'on avait oublié de me dire, c'est que surtout il faut choisir un prince charmant avec une carte d'identité française pour que ça se passe comme ça. Notre histoire est très simple. Deux jeunes gens se rencontrent, se draguent, ont du mal à communiquer à cause de la barrière de la langue. Mais ils s'aiment, ils persistent. Après un an de vie commune, ils décident de faire un dossier à la préfecture pour obtenir enfin une carte de séjour qui leur permettra de vivre paisiblement à deux, comme tous les couples qu'ils côtoient. Mais le soir même du jour où le dossier a été envoyé, la police débarque pour amener dans son pays le jeune homme sans papier. Heureusement, le couple n'était pas au domicile ce soir-là. Aujourd'hui, la préfecture a refusé la demande de carte de séjour vie privée, vie familiale. Désormais, les nuits sont courtes. Difficile de dormir en pensant que peut-être à 6 h du matin, quelqu'un viendra pour nous séparer. Difficile de voir nos amis vivre normalement. Nos soirées sont faites de larmes et de promesses. Comment peut-on séparer deux personnes qui s'aiment? Pourquoi le mot étranger existe-t-il? Et qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes tous les deux des êtres humains. Et le préfet, qui est-il pour juger de notre droit de s'aimer? De notre droit de vivre ensemble. Aujourd'hui, nous sommes perdus. Les Amoureux au banc public est une association, un collectif qui se bat pour le droit de vivre en famille pour les couples mixtes. Alors il faut se poser la question, qu'est-ce qu'un couple mixte? Dans le cas de la France, ce sera le couple que forme un étranger, c'est-à-dire une personne qui n'a pas la nationalité française, et une personne de nationalité française, que ce soit un couple hétérosexuel ou homosexuel d'ailleurs. Cette association est née en 2007 dans la ville de Montpellier, sous l'égide de l'association La Cimade, c'est-à-dire que ce sont des gens de La Cimade qui ont créé le collectif Les Amoureux au banc public. Les amoureux et les couples mixtes ont décidé ensemble de se mobiliser pour se battre en faveur de ce droit de vivre en famille. Il y a une douzaine de collectifs en France. Le premier but de l'association sera d'amener une réponse ou une aide juridique aux couples mixtes en difficulté, c'est-à-dire essayer de trouver des solutions lorsqu'un visa n'arrive pas ou lorsqu'une transcription de mariage ne s'obtient pas, ce genre de problème juridique. L'autre but est de dénoncer cette discrimination faite aux couples mixtes. Il faut rappeler que cette situation est la conséquence directe de l'immigration, la politique d'immigration actuelle qui est totalement xénophobe. Et donc cette dénonciation se fait à travers d'actions ou d'informations par le biais des médias ou des mobilisations aussi qui peuvent se dérouler devant les préfectures ou devant les mairies. Le but ou le leitmotiv de l'association Les Amoureux au banc public est le choix libre de son amoureux, l'amour tout d'abord, en précisant que l'amour n'a pas de frontières, ni de couleurs, ni de nationalité. Toute personne est libre d'aimer la personne de son choix, quelles que soient les différences de nationalité, d'âge, de sexe ou de religion. Dis pas. lorsqu'on est amoureux, la première des choses, c'est qu'on veut vivre ensemble. Et malheureusement, pour vivre ensemble, lorsqu'on vit en France, c'est pas évident d'avoir un amoureux d'une autre nationalité et de pouvoir vivre sur le territoire français ensemble. De fait, la solution, bien souvent, pour pouvoir être ensemble, c'est le mariage. Alors là, commence toute une phase d'étapes différentes et compliquées afin d'atteindre cette première phase que serait le mariage. D'abord, il faudrait rappeler que le mariage est un droit. Il est inscrit dans la Constitution française. On n'a pas besoin d'être en situation régulière pour se marier en France. Le fait d'être irrégulier ou de ne pas avoir de papier n'est pas un obstacle. Après deux tentatives de dépôt de dossier pour nous marier dans notre commune dans le Gard, nous avons dû nous unir dans une autre ville, grâce à la complicité de notre réseau d'amis. Tout d'abord, nous avons pris rendez-vous avec la maire de notre ville pour lui demander de nous marier. Elle a refusé, prétextant qu'elle ne pouvait pas car Hamid, mon ami, était en situation irrégulière. Par la suite, nous avons rencontré son adjointe et ce fut le même refus. C'est alors que mes amis se sont mobilisés. Parmi eux, j'ai un ami qui faisait partie du conseil municipal d'un petit village. Il a parlé de notre cas au maire et nous lui avons expliqué notre situation. Il a accepté de nous unir, mais il lui a fallu mettre en place tout un stratagème pour monter le dossier car nous n'habitions pas sa commune. Mes amis ont été obligés de nous faire une quittance de loyer et une lettre, comme si nous étions locataires chez eux. Grâce à eux et à la bonne volonté du maire de ce petit village, nous sommes mariés depuis le 25 mai 2007. Bien sûr, on parle à ce sujet de mariage blanc ou de mariage même gris en ce moment avec Besson. Là, il faut être bien clair et souligner que l'éthique de l'association Les Amoureux au Bain Public, c'est l'amour et les amoureux, le droit de vivre en famille lorsqu'on est un couple mixte. Donc non, l'association ne va pas soutenir un couple qui va vouloir dire qu'il veut se marier pour obtenir les papiers. Je pense que la situation s'est déjà présentée et les bénévoles de l'association ont répondu très clairement. Voici les différentes étapes pour pouvoir vous marier, mais sachez que nous n'approuvons pas ce fait et ce sera de toute façon très compliqué ensuite de prouver que ce mariage est bien réel puisqu'il y a des contrôles de police, etc. C'est déjà très compliqué pour un couple normal, alors imaginez pour un couple qui voudrait le faire pour de faux. Justement, les couples mixtes aujourd'hui sont ultra criminalisés. Il y a des questions très indécentes. Par exemple, lorsqu'on dépose un dossier de mariage à la mairie, il faut savoir qu'on sera convoqué ensuite par le maire, c'est la seconde étape, qui va nous recevoir un par un, cachés, donc pas ensemble, et nous poser tout un questionnaire, donc un vrai interrogatoire, comme si on était des criminels, avec des questions parfois très précises et parfois très intimes. Il est déjà arrivé qu'on pose la question à l'amoureux donc de sexe masculin, quand est-ce qu'étaient les dates des dernières règles de sa future femme, des questions complètement absurdes et qui ne prouvent en rien l'amour que peuvent se porter les deux personnes. Bermé biwe da che sinto buna ulialo etre son nu bena ki kokoya pein me de yedodo no be ko buna da de le ton tien mi si zero nu kon nu alo ulili. Article 5. L'État doit donner à la famille les moyens nécessaires à son épanouissement en garantissant aux membres de la famille le droit au travail, à la protection sociale, au logement et à la stabilité du séjour sur son territoire. Est-ce que nos parents sont d'accord vis-à-vis de ce mariage ? Est-ce que nous n'imposons pas ce choix de vivre en France à l'amoureux de nationalité étrangère ? Quels sont les prénoms et les adresses postales et les numéros de téléphone des parents de l'amoureux ? Alors, il faut savoir que déjà, le numéro de téléphone de l'amoureux, bien souvent ici, normalement, on l'a inscrit dans son portable. On met le prénom et on ne connaît pas du tout forcément par cœur le numéro de portable de son amoureux. Donc encore là, la preuve d'une question totalement absurde. Il y a des questions parfois plus vicieuses du style « Votre amoureux sait-il qu'il aura la nationalité française dans 5 ans ? Ne le fait-il pas uniquement pour ça ? Êtes-vous sûr de votre choix ? Pourquoi si vite ? Est-ce que vous pensez que ça va durer ? Avez-vous des projets bébés ? Est-ce que vous ne lui imposez pas vos choix ? Comme actuellement en France, la politique d'immigration est Par exemple, pour 2011, le quota de 28 000 expulsions, il faut bien trouver ces 28 000 personnes à expulser. Et ils sauront déjà d'emblée que lorsqu'il y a une demande de mariage d'un couple mixte, ils ont devant eux une personne de nationalité étrangère. Donc le gouvernement va tout faire, et les maires, puisqu'ils en sont aussi les représentants, pour essayer de retarder ou d'empêcher ce mariage. El Estado debe proporcionar a la familia los recursos suficientes para el desarrollo de esta, garantizando a los integrantes de la familia el derecho a trabajar, a la protección social, al alojamiento y a la estabilidad durante todo el periodo de su estadía. Bien souvent, comme ce mariage apparaît impossible en France, ce mariage va se dérouler à l'étranger. Alors là, c'est un parcours du combattant, hein. Je vais en décrire les différentes étapes. Déjà, bien souvent, on va prendre par exemple l'exemple du Sénégal, il va falloir prendre ou faire le mariage à la traditionnelle, c'est-à-dire selon les coutumes respectées du Sénégal, donc un mariage local. Ensuite, il faudra se rendre au consulat de France et réaliser ce mariage au consulat de France avec son amoureux sénégalais. Lorsqu'on se rend au consulat de France, il va falloir obtenir ce qu'on appelle un CCM. C'est un certificat de capacité à mariage. Ce CCM est l'équivalent un petit peu de l'interrogatoire auquel on a droit en France lorsqu'on est convoqué par le maire. C'est la même chose, on passe devant le représentant du consul qui nous pose des questions, qui fait une enquête, qui traite bien souvent très très mal les amoureux. Ce sont des moments très difficiles à vivre. La dame du consulat a cherché à me dégoûter de mon futur mari avec des propos racistes qui m'ont fait peur sur notre avenir en France. Que mon mari me dépouillerait de tout ce que je possède et qu'il me quitterait sans aucun scrupule. En tant que Française, je ne pensais pas être reçue dans le consulat français avec autant de mépris et sans aucun respect. Je trouve inadmissible de faire subir toutes ces remarques, ces préjugés à des couples. La procédure a été un calvaire à vivre. J'ai vécu tous ces mois avec beaucoup de difficultés physiques et morales. Nous avons très mal vécu l'entretien au consulat, qui a été plus un interrogatoire qu'autre chose. Notre intimité n'est pas respectée, on nous considère d'emblée comme des tricheurs. Aucune question judicieuse et objective n'est posée, que des questions agressives. Nos réponses ne sont pas prises en considération. Comment pourrais-je savoir le salaire de mon futur beau-père? C'est une question qu'on ne pose pas ni en France ni au Maroc. Comment savoir si ma future femme a de la famille en Europe si on n'en a pas parlé? Et ce n'est pas un sujet de discussion entre deux futurs conjoints. Tout cela est totalement déplacé et est en violation de nombreuses conventions sur les droits de l'homme. La transcription de ce mariage doit être faite à Nantes. C'est Nantes qui décide ou pas encore de la transcription officielle de ce mariage. Ensuite, un livret de famille va être envoyé à l'étranger, le fameux livret de famille qu'on reçoit lorsqu'on se marie. Et avec ce livret de famille, une fois obtenu, il faudra que le conjoint étranger demande un visa long séjour afin de pouvoir entrer en France. Alors là aussi, l'obtention de ce visa long séjour est très aléatoire. Bon, normalement, on l'obtient, mais il faut savoir que parfois, il peut s'écouler une année entière avant d'obtenir ce visa. Donc vous imaginez, vous êtes à peine marié, il faut encore attendre un an pour que votre amoureux puisse venir en France. La même chose pour la transcription d'un mariage à Nantes. J'ai connu des couples à Paris qui attendent depuis 3 ans la transcription du mariage à Nantes. Ça fait 3 ans qu'ils sont mariés, mais ils attendent cet accord de Nantes pour pouvoir recevoir le livret de famille et pour pouvoir ensuite demander le visa long séjour. Donc encore une attente interminable. Pour moi, la procédure de transcription est tout simplement une torture morale. Depuis le début, nous ne savons pas où en est notre dossier. Je téléphone vraiment partout. Nous envoyons des mails, mais rien n'y fait. Je ne souhaite cette épreuve à personne. On ne nous connaît pas, mais on nous juge sans arrêt. Quant à l'enquête au consulat, personnellement, je ne souhaite jamais revoir la personne qui nous a reçus. Enfin bref, ce fut pénible dès le début et ça dure encore. Le ministère des Affaires étrangères m'a appelé récemment pour me dire que je ne vais pas tarder à recevoir mon livret de famille. Cela fait plus d'un an qu'on demande la transcription de notre mariage. Si cela n'avance pas, mon mari et moi avons décidé de commencer une grève de la faim. Faut-il un mort dans cette histoire pour que quelqu'un bouge ? We'll be right back. Une fois toute cette étape passée, les amoureux sont réunis en France. Mais pour autant, la situation n'est pas du tout, la partie n'est pas gagnée. Lorsque la personne va arriver en France, on va lui délivrer en premier des récépissés, c'est-à-dire des autorisations provisoires de séjour de 3 mois en général qui autorisent à travailler. Mais sachez que ces récépissés sont très malvenus et que bien souvent les agences intérim ou les employeurs ne prennent pas des personnes qui ont ces fameux récépissés. Donc, il faut attendre l'obtention du titre de séjour de 1 an. Mais alors, là aussi, le laps de temps à attendre peut parfois excéder les 6 mois. 6 mois, 1 an, 1 an et demi, avec toujours des récépissés de 3 mois qu'on fait renouveler. Et ensuite, il faut aussi renouveler au bout d'un an cette carte de 1 an. Donc là aussi, on pourrait supposer que les choses sont simples, mais pas du tout. De nouveau, tout un cirque, demander la nouvelle carte, de nouveau un récépissé de 3 mois, et le doute encore de savoir si au bout de ces 3 mois, on va nous renouveler le titre de 1 an. Ainsi de suite, et bon, on peut se demander quand est-ce que ça va s'arrêter ou quand est-ce que la situation va s'améliorer. Objectivement, bon, ça peut durer toute la vie, à moins que l'étranger puisse acquérir au bout de 4 ans en théorie, selon la loi, la nationalité française. Trois ans et demi d'amour, 3 ans de mariage. Nous avons bâti notre vie en toute légalité suivant les exigences du gouvernement. Et voilà que le préfet rejette la demande de renouvellement de titre de séjour de mon mari au motif que nous n'avons pas de communauté de vie. Le refus est assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Quel délit avons-nous commis ? Très désireux de trouver les étrangers à expulser afin de remplir le quota d'expulsion, le policier chargé de l'enquête sur notre mariage a formulé un scénario permettant de fabriquer un clandestin de plus. Quel pouvoir ! On nous reproche de ne pas avoir de vie commune au motif que mon mari a vécu entre Paris et Montpellier l'année dernière pour des raisons professionnelles. Nous vivons comme des prisonniers. Pour ce qui me concerne, je ne sais jamais à quel moment je risque d'être embarquée par la police et condamnée, comme c'est arrivé aux autres épouses, pour avoir caché un clandestin. Je suis tombée en dépression. Mais dans quel régime vivons-nous ? Est-ce encore la France, le pays des droits de l'homme ? Imaginons un scénario un peu noir, c'est-à-dire que l'amoureux de nationalité française décède suite à un accident. Eh bien, l'amoureux qui est de nationalité étrangère et qui n'a pas encore obtenu la nationalité française, qui dépend de titre de séjour en France, recevra au bout de quelques semaines ou d'un mois une OQTF, c'est-à-dire une obligation de quitter le territoire français. Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité car à la vérité, ils sont là, c'est notoire, pour accueillir quelque temps les amours débutants. Les amoureux qui se pétonnent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique, les passants honnêtes. Les amoureux qui se pétonnent sur les bancs publics, bancs publics, ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur. Que revêtiront les murs de leur chambre à coucher? Ils se voient déjà doucement, elle cousant lui fumant. Ancheta Irratia. Luxu eta maitasun hotsak. Gonekin erobero. Txingurri hotsak. Mundu hotsak. Gure kunka. Herri mugimenduaren ahotsa, Antxeta Irratian, arratsaldeko ordubietatik 3 arte eta gaubeko 8:00 behatzik arte. Herri hotsak, Pausu Mediak ekoiztutako saioak. irubebikoitza@herriotsak.info Antxeta Irratia entzuten ari zarete 89.7 eta 90.5 FM-en. Herriotsak Bidasoaldeko elkarteek eginiko eta Pausu Mediak egoiztutako saioak. Gaurko kasuan gure kunka entzuten ari zarete, badakizute Zimad elkarteak egiten duen saioa, bi astetik behin, zaga izaten dugu hemen, gure kolaboratzailea gaur aldiz ezin izan da etorri, eta dena den, hainbat gai eskaintzen ari dizkizuegu. Lehen entzun dugun erreportaia, Les Amoureux au Banc Public elkarteari buruzkoa izan da, eta orain aldiz, beste audio bat entzun behar dugu, Enfo Erzek eginiko erreportaia. Too Must entre Gitar et Kalashnikov deitutako erreportaia da, beraz, eta bertan Dominik Margot zinegilarekin hitz egiten dute, berak dokumental bat ekoiztu du Tuareg musikari baten inguruan. Beraz, Goran Bregovicen tango abestia entzuten dugu, eta jarraian aipatutako erreportaia Too Must entre Gitar et Kalashnikov. antxetairratia.com Les Touaregs sont issus de populations du Maghreb chassées par les invasions arabes à partir du 7e siècle. Depuis, leur caravane traverse le Sahara de la Méditerranée à la boucle du fleuve Niger. Too Must entre Gitar et Kalashnikov est un documentaire de Dominik Margot. à travers le témoignage d'un musicien touareg réfugié en France et sa musique, Moussa Ag Keïna, du groupe Toumast, la cinéaste nous guide dans l'histoire et l'errance de ce peuple persécuté. Rencontre avec la réalisatrice Dominique Margot, nous vous proposons également des extraits du documentaire et des illustrations musicales du groupe Toumast. Intéressé au sujet des Touaregs, quels ont été les grands projets auxquels vous avez participé? Alors j'ai fait un autre documentaire qui était un documentaire sur Jean-Claude Grenier qui s'appelle La longueur et la largeur du ciel, qui est un documentaire sur un monsieur qui a la maladie de Cristal et qui était comédien, que j'ai rencontré au sein du cirque Arcaos où j'ai travaillé à l'époque. Voilà. Comment vous est venue l'idée justement de travailler sur le peuple Touareg et de réaliser un documentaire? Alors j'ai rencontré des Touaregs ici en France, on a discuté, je me suis rendu compte qu'ils étaient dans une lutte, en luttant à l'aide de guitare, en ayant posé les armes, donc j'ai trouvé ça magnifique. J'ai commencé le documentaire et c'est à ce moment-là, enfin aucun lien bien sûr, mais à ce moment-là il y a une nouvelle rébellion qui a éclaté et je me suis retrouvée en plein centre avec des gens qui étaient armés. Et votre rencontre avec Moussa, donc le leader du groupe Toumast, le personnage principal de ce documentaire, comment elle s'est faite cette rencontre? Alors, je me suis intéressée d'abord à la problématique, après cette première rencontre avec des Touaregs, après j'ai cherché avec qui je voulais faire le film, donc j'ai rencontré différents musiciens de Touareg, dont Moussa et Aminatou, et là ça a été un peu le coup de foudre, cinématographiquement parlant on va dire, parce que j'ai beaucoup aimé le fait qu'ils vivent en France, mais qu'ils fassent beaucoup d'allers-retours, qu'il y ait Aminatou qui représente aussi la situation de la femme Touareg, et il y a l'exil, il y a la musique, Moussa est un ex-rebelle, donc je pouvais parler de tous les sujets qui m'intéressaient à la fois et à travers eux, voilà. كيت نشرد يكيت نكتر نفر دا ما ديكيت نشرد نشجر نسكا وليها لاين السكينة روال نقال يكيتي در غادي بريانا دي من سرق كروات من وانا نبغار نجان وطن تجم لها فايد ما ورهي تكون الغار هاني تيرير تكبر تلسل من وانا نبغار نجان وطن تجم من وانا s'est passé votre collaboration avec ce duo d'artistes, par exemple concernant l'écriture du scénario? Est-ce que c'est vous qui avez géré cette écriture? Est-ce que vous l'avez fait conjointement, main dans la main, pour faire passer des choses, ce que Moussa voulait mettre en avant, ce que vous vouliez mettre en avant? Alors on s'est beaucoup parlé, on est très vite devenus très amis. Après, à la suite de ça, et suite à un premier voyage que j'ai fait au Nord-Mali, où j'ai écrit un dossier que j'ai par la suite fait lire à Moussa pour voir si j'étais vraiment, on va dire, authentique, qu'il n'y avait pas des erreurs vues de l'intérieur. Enfin, je voulais pas du tout faire un film comme ça, collé sur un peuple autre ou une autre culture qui est pas la mienne, mais essayer de comprendre vraiment de l'intérieur, et donc Moussa et Aminatou qui m'ont toujours guidée là-dedans et qui m'ont pris par la main. Alors Moussa et Aminatou sont les deux personnages principaux. Il y a également un infirmier, un rebelle actuel, on va dire un jeune rebelle qui prend part aux rébellions qui ont débuté en 2006. Comment s'est fait le choix de ces personnages ? Pourquoi avoir choisi un infirmier, un ex-rebelle donc Moussa et un rebelle actuel ? Alors je trouvais intéressant d'avoir Moussa qui à l'époque était analphabète et qui partit à la rébellion d'abord en Libye pour se faire former, puis après qui a fait la rébellion et qui par la suite a fait des études et a découvert aussi une autre forme du combat. Camille, le jeune combattant qu'on voit dans le film, a fait le parcours inverse. Lui, il a fait des études d'informatique et s'est joint à la rébellion armée après avoir fait des études. Et Boutali, je l'ai choisi parce que il était infirmier sur le site d'Areva et donc connaît tout le côté minier, puis la pollution minière qui se fait suite à l'extraction d'uranium sur Arlit. Donc le Niger, c'est la destination préférée des sociétés d'énergie. C'est royal. Il y a des problèmes de gaz toujours. Pour nous, la terre, il ne nous appartient pas. C'est nous qui en appartient à la terre. On n'a jamais été qui que ce soit, les dire faut nous composer quelque chose. Tout ça là, ça vient de nous. La manière où ils ont adopté leur mode de vie et leur honneur à chaque et leur respect. Et c'est ça l'identité de Touareg. Alors on a pu le voir après la diffusion du documentaire, lors de la discussion, les personnes sont très intéressées par ce sujet. Vous, à la fin du documentaire, qu'est-ce que vous espérez que les spectateurs en ont retiré ? Je pense que le plus important, c'est de savoir que tout ce qu'on décide ici dans le monde occidental a un impact ailleurs, que notre consommation ne se fait pas sans dégâts ailleurs, et qu'il y a toujours une cause, une relation, une action, une réaction, et que tous ces mondes sont liés, qu'on n'est pas nous ici, eux là-bas, un étrange peuple joli, magnifique. Il y a beaucoup de clichés autour des Touaregs, les hommes bleus du désert, or que c'est des gens comme vous, comme moi, qui aiment pas être pollués et qui aiment bien leur liberté de décision, ce qu'ils font dans leur vie. Money in. La culture, en l'occurrence la musique ou les armes, qu'est-ce qui, selon vous, a le plus de portée ? Je pense quand même avec la musique, on atteint un public plus large, c'est-à-dire on peut informer beaucoup plus large. Personnellement, je pense que les armes, c'est vraiment quand on est au pied du mur, quand on n'a plus aucune autre solution pour se faire écouter d'un gouvernement. Et que c'est toujours, enfin le choix des armes dans un pays, c'est toujours un signe que le pays va très mal, qu'un gouvernement n'écoute pas ses citoyens. Effectivement, comme le disait un des spectateurs lors de la discussion, le peuple touareg n'est pas une nation, il n'a pas de poids politique, on ne sait pas combien ils sont. Est-ce qu'une voie politique est possible pour ce peuple ? Il y a des associations qui se sont créées, il y a des associations touareg qui se sont créées sur Arlit pour lutter contre la pollution. Il y a des associations civiles sur Kidal aussi qui cherchent à combattre le chômage, par exemple, qui est un gros souci, qui attire aussi beaucoup les jeunes vers la délinquance, que ce soit le trafic de la cocaïne qui traverse de la Mauritanie, du Maroc vers le Tchad, vers le Soudan, vers la Libye. Et donc je pense qu'il y a énormément de piliers à créer dans cette société pour qu'elle puisse aller un peu mieux, qu'il y ait moins de failles à différents éléments qui peuvent être que destructeurs. Ça, c'est ma seule carte d'identité quand je suis arrivé à Paris. D'ailleurs, la première carte d'identité que j'ai eue dans toute ma vie, c'est la carte de la FLA, c'est notre mouvement, Front de Libération de l'Aïr et de l'Azawad. C'est la carte des combattants, on a tout ça. Gaddafi, il a dit qu'il va former les Touaregs, il va les aider pour qu'ils trouvent leur autonomie ou leur indépendance. Et les autres pays, il n'y a aucun pays qui voulait aider les Touaregs. L'Algérie, il est prisonnier. Le Mali, il les massacre. Les autres, ils ne comprennent pas les Touaregs. C'est ça le problème. C'est ça. Ils ne comprennent pas, ils ne connaissent même pas les Touaregs. Bon, ça, c'est vraiment les photos de la Libye, quoi, à des Tripoli. Surtout à l'époque, on découvre les djinns. C'est les années où j'ai découvert les djinns, j'ai découvert les baskets, etc. Et puis, je vois les jeunes libyens, ils s'habillent comme ça. Et puis, je m'habillais comme ça. Et ils dansaient des smef. On découvre les cinémas, en fait. Des westerns et de l'armée, et tout ça. Des Rambo. Rambo 1, Rambo 2, tout ça, Rambo 3 et tout ça. On regarde tous les temps. Moi, au début, j'avais cru que c'est la vérité. Je n'ai jamais mis un doute que c'est vrai et tout ça. Et le jour qu'on m'a dit vraiment, c'est que des théâtres et tout ça, j'étais un peu déçu. Et après, je fais formation de 2 ans militaire. Et ensuite, j'ai fait une autre formation de commando d'à peu près 6 mois. Et c'est là où j'ai acheté mon premier guitare. J'ai commencé à jouer de la musique. Je les joue comme ça, j'attends qu'on va partir au combat. Au milieu des formations, on avait compris que, en fait, tous les mois, ils vont partir au Liban. C'est là où j'ai demandé une permission de partir. Moi, je n'ai rien contre les Israéliens. J'ai des problèmes. Je n'ai rien contre les Israéliens. Je ne veux pas aller faire guerre en Israël ou au Liban. Nous, on a tellement de problèmes à régler chez nous. Je crois qu'avant de régler le problème des autres, on doit s'occuper de notre cas. We'll be right back. Quelles difficultés avez-vous rencontrées pour tourner ce documentaire, notamment concernant les autorisations de filmer, rien que pour passer les frontières, pour Moussa aussi bien que pour vous? Alors, pour rejoindre le village de Moussa au Niger, nous, on a dû passer clandestinement. Donc, on a fait un détour de 5 jours pour arriver à son village. On a passé deux frontières illégalement. Après, pour rejoindre les rebelles, je suis passée par l'Algérie. Donc là, pareil, passage illégal avec, enfin, sur les parcours des clandestins ou des trafiquants. Et donc Niger, impossible de tourner à ce moment-là officiellement. Le Mali, j'ai eu des autorisations de tournage avec après des problèmes qui étaient plus liés au grand banditisme qui s'installait sur les routes entre le sud et le nord, enfin vers Kidal, voilà. Quels sont vos projets ? Bah, des nouveaux films qui traitent des sujets. Y a par exemple le gaz de schiste en France. On se retrouve un petit peu, ou bientôt, hélas, dans une même problématique que les Touaregs. Je le crains. Fin de cette émission consacrée au documentaire « Tout mast entre guitare et kalachnikov » réalisé par Dominique Margot. Nous vous proposions dans cette émission l'interview de la réalisatrice, des extraits du documentaire ainsi que des illustrations musicales issues de l'album « Amachal », dernier album du groupe « Tout mast ». Luxu eta maitasun hotxak, gonekin erobero, txingurri hotxak, mundu hotxak, gure kunka, azar hotxak. Herri mugimenduaren ahotsa, Antxeta irratian, arratsaldeko ordubietatik 3 arte, eta gaubeko 8 behatzik arte. Herri hotxak, Pausu Mediak ekoiztutako saioak. irubebikoitza@herriotsak.info Duten garrantziaz jabetzeko, faltan izan arte itxoiten dugu maiz. Euskarazko komunikabideak, denon beharra. antxetairratia.com ¿De qué vale la luna para el vagabundo? ¿De qué vale la vida para el que ya muerto? ¿De qué vale el dinero para el que no cobra? Ba, Antxeta irratien zuten ari zarete 89.7 eta 90.5 FM-en. Gure kunka irratsaioa, Pausu Mediak ekoiztutako saioa. Eta minutu gutxi gelditzen zaizkigu hemen gure kunka amaitzeko. Eta hoietako batzuk, ba, musika pixka bat entzuten emango ditugu, linea 2, brazos cruzadosen abestia. Todo puede cambiar de la noche a la mañana para ti, me lo pensaría bien. O tal vez, esta historia no te importe nada ya, solo pasártelo bien. ayer mezclado con un poco de agua para que pase mejor. Es el pan de cada día. Zapatos rotos, la maleta siempre al lado para guardar los pedazos de su vida. Salí a comer cuando vi su mirada pidiéndome un poco de pan. Qué puta en la vida, este lado de la calle. Crucé hasta el bar cuando llegó la pasma, golpeé de poder con Manuel. Nadie le ayudó, alguna habrá liado. Todo puede cambiar de la noche a la mañana para ti, me lo pensaría bien. O tal vez esta historia no te importe nada ya, solo pasártelo bien. Me lo pensaría bien. O tal vez esta historia no te importe nada ya, solo pasártelo bien. Pan de ayer mezclado con un poco de agua para que pase mejor. Es el pan de cada día. Zapatos rotos, la maleta siempre al lado para guardar los pedazos de su vida. Pan de ayer mezclado con un poco de agua para que pase mejor. Es el pan de cada día. Zapatos rotos, la maleta siempre al lado para guardar los pedazos de su vida. Anchetairratia.com. Eta beste horrekin beraz saioaren amaierara iristen gara. Gaur badakizute gure kunka honetan Zimad eta Dizkidetuak elkartek egiten duten saio honetan ezin izan dugu izan Zaga, Zimadeko kidea, ohikoan hemen izaten duguna, baina aldiz hemendikan bi astera berriz ere egongo da gurekin, eta baita ere hurrengo astean Dizkidetuakeko kideak egongo dira beste saio eder bat egiten. Eta bestela ere, badakizute herriotsak egunero dituzutela entzungai Antxeta Irratiaren sintonian, Pausu Mediak ekoizten dituen saioak, eta gure eskualdeko elkarteek egiten dituztenak, beraz 8:00-etatik 9:00 arte, eta ordu 2:00-etatik 3:00 arte egunero, behintzat astelenetik ostiralera arte Antxeta Irratian. Eta ordu hoietan ezin bagaituzute entzun, badakizute ere internet bidez herriotsak.info entzuten aldituzutela saio guzti hauek. Eta honekin ja agurtzen zaituztet, mil esker beste behin ere gurekin egoteagatik, eta aio! Thank you. Herriotsak, Bidasoaldeko herri mugimenduaren saioak egunero Antxeta Irratian arratsaldeko ordubietatik hiruak arte eta gabeko zortzietatik bederatziak arte. Pausu Mediak ekoiztutako saioak.